317. Les médiums trompeurs sont stigmatisés comme ils le méritent dans la lettre suivante que nous avons reproduite dans la revue du mois d'août 1861. Paris, le 21 juillet 1861. Monsieur, on peut être en désaccord sur certains points et être en parfait accord sur d'autres. Je viens de lire à la page 213 du dernier numéro de votre journal des réflexions sur la fraude en matière d'expérience spiritualiste, entre parenthèses, ou spirit, auxquelles je suis heureux de m'associer de toutes mes forces. Là, toute dissidence en matière de théorie et de doctrine disparaît comme par enchantement. Je ne suis peut-être pas aussi sévère que vous à l'égard des médiums qui, sous une forme digne et convenable, acceptent une rémunération comme indemnité du temps qu'ils consacrent à des expériences souvent longues et fatigantes. Mais je le suis tout autant, et on ne saurait trop l'être, à l'égard de ceux qui, en pareil cas, supplée dans l'occasion par la tricherie et par la fraude à l'absence ou à l'insuffisance des résultats promis et attendus. Voir le numéro 311. Mêler le faux au vrai quand il s'agit de phénomènes obtenus par l'intervention des esprits, c'est tout bonnement une infamie. Et il y aurait oblitération du sens moral chez le médium qui croirait pouvoir le faire sans scrupule. Ainsi que vous le faites parfaitement observer, c'est jeter le discrédit sur la chose dans l'esprit des indécis dès que la fraude est reconnue. J'ajouterai que c'est compromettre de la manière la plus déplorable les hommes honorables qui prêtent au médium l'appui désintéressé de leur connaissance et de leur lumière, qui se portent garants de leur bonne foi et les patronnent en quelque sorte. C'est commettre envers eux une véritable forfaiture. Tout médium qui serait convaincu de manœuvres frauduleuses, qui serait pris, pour me servir d'une expression un peu triviale, la main dans le sac, mériterait d'être mis au banc de tous les spiritualistes ou spirites du monde, pour qui ce serait un devoir rigoureux de les démasquer ou de les flétrir. S'il vous convient, monsieur, d'insérer ces quelques lignes dans votre journal, elles sont à votre service, agréées, etc. Signé Mathieu. 318. Tous les phénomènes spirites ne sont pas également faciles à imiter, et il y en a qui défient évidemment toute l'habileté de la prestidigitation. Tels sont notamment le mouvement des objets sans contact, la suspension des corps graves dans l'espace, les coups frappés de différents côtés, les apparitions, etc. Sauf l'emploi des trucs et du compérage, c'est pourquoi nous disons que ce qu'il faut faire en pareil cas, c'est observer attentivement les circonstances et surtout tenir compte du caractère et de la position des personnes, du but et de l'intérêt qu'elles pourraient avoir à tromper. C'est là le meilleur de tous les contrôles, car il est telle circonstance qui enlève tout motif à la suspicion. Nous pensons donc, en principe, qu'il faut se défier de quiconque ferait de ces phénomènes un spectacle ou un objet de curiosité ou d'amusement, et prétendrait les produire à volonté et à point nommé, ainsi que nous l'avons déjà expliqué. Nous ne saurions trop le répéter. Les intelligences occultes qui se manifestent ont leur susceptibilité et veulent nous prouver qu'elles ont aussi leur libre arbitre et ne se soumettent pas à nos caprices. Voir numéro 38. Il nous suffira de signaler quelques subterfuges employés ou qu'il est possible l'employer dans certains cas pour prémunir contre la fraude, les observateurs de bonne foi. Quant aux gens qui s'obstinent à juger sans approfondir, ce serait peine perdue que de chercher à les désabuser. 319. Un des phénomènes les plus ordinaires est celui des coups intimes frappés dans la substance même du bois, avec ou sans mouvement de la table ou autre objet dont on se sert. Cet effet est un des plus faciles à imiter, soit par le contact des pieds, soit en provoquant de petits craquements dans le meuble. Mais il est une petite ruse spéciale qu'il est utile de dévoiler. Il suffit de poser ses deux mains à plat sur la table et assez rapprochées pour que les ongles des pouces appuient fortement l'un contre l'autre. Alors, par un mouvement musculaire tout à fait imperceptible, on leur fait éprouver un frottement qui donne un petit bruit sec, ayant une grande analogie avec ceux de la typologie intime. Ce bruit se répercute dans le bois et produit une illusion complète. Rien n'est plus facile que de faire entendre, autant de coups qu'on en demande, une batterie de tambour, etc. De répondre à certaines questions par oui ou par non, par des nombres ou même par l'indication des lettres de l'alphabet. Une fois prévenu, le moyen de reconnaître la fraude est bien simple. Elle n'est pas possible si les mains sont écartées l'une de l'autre et si l'on est assuré qu'aucun autre contact ne peut produire le bruit. Les coups réels offrent d'ailleurs cela de caractéristique qu'ils changent de place et de timbre à volonté, ce qui ne peut avoir lieu quand il est dû à la cause que nous signalons ou à tout autre analogue. Qu'il sort de la table pour se porter sur un meuble quelconque que personne ne touche, sur les murs, le plafond, etc. Qu'il réponde enfin à des questions non prévues. Entre parenthèses, voir le numéro 41. 320. L'écriture directe est encore plus facile à imiter, sans parler des agents chimiques bien connus pour faire apparaître de l'écriture dans un temps donné sur du papier blanc, ce que l'on peut déjouer avec les précautions les plus vulgaires. Il pourrait arriver que par un escamotage habile, on substituât un papier à un autre. Il se pourrait aussi que celui qui voudrait frauder eût l'art de détourner l'attention pendant qu'il écrirait adroitement quelques mots. On nous a dit encore avoir vu écrire ainsi avec un morceau de mine de plomb dissimulé sous l'ongle. 321. Le phénomène des apports ne se prêtait pas moins à la jonglerie, et l'on peut aisément être dupe d'un escamoteur plus ou moins adroit, sans qu'il soit besoin d'avoir affaire à un prestidigitateur de profession. Dans l'article spécial que nous avons publié ci-dessus, entre parenthèses numéro 96, les esprits ont eux-mêmes déterminé les conditions exceptionnelles dans lesquelles il peut se produire, d'où l'on peut conclure que l'obtention facile et facultative peut tout au moins être tenue pour suspecte. L'écriture directe est dans le même cas. 322. Dans le chapitre des médiums spéciaux, nous avons mentionné, d'après les esprits, les aptitudes médianimiques communes et celles qui sont rares. Il convient donc de se défier des médiums qui prétendent avoir ces dernières trop facilement ou qui ambitionnent la multiplicité des facultés, prétention qui n'est que bien rarement justifiée. 323. Les manifestations intelligentes sont, selon les circonstances, celles qui offrent le plus de garanties, et cependant, elles ne sont pas à l'abri de limitations, du moins en ce qui concerne les communications banales et vulgaires. On croit avoir plus de sécurité avec les médiums mécaniques, non seulement pour l'indépendance des idées, mais aussi contre les supercheries. C'est pour cette raison que certaines personnes préfèrent les intermédiaires matériels. Eh bien, c'est une erreur. La fraude se glisse partout, et nous savons qu'avec de l'habileté, on peut diriger à volonté même une corbeille ou une planchette qui écrit et lui donner toutes les apparences des mouvements spontanés. Ce qui lève tous les doutes, ce sont les pensées exprimées, qu'elles viennent d'un médium mécanique, intuitif, auditif, parlant ou voyant. Il y a des communications qui sont tellement en dehors des idées, des connaissances et même de la portée intellectuelle du médium qu'il faudrait s'abuser étrangement pour lui en faire honneur. Nous reconnaissons au charlatanisme une grande habileté et de fécondes ressources, mais nous ne lui connaissions pas encore le don de donner du savoir à un ignorant ou de l'esprit à celui qui n'en a pas. En résumé, nous le répétons, la meilleure garantie et dans la moralité notoire des médiums, et dans l'absence de toute cause d'intérêt matériel ou d'amour-propre qui pourrait stimuler en lui l'exercice des facultés médianimiques qu'il possède, car ces mêmes causes peuvent l'engager à simuler celles qu'il n'a pas.